Joseph Balsamo par Alexandre Dumas. Tome 5e, chapitre 124e, le coffret. Resté seul, M. de Sartine prit, tourna et retourna le coffret un homme qui sait apprécier la valeur d'une découverte. Puis l'allongea la main et ramassa le trousseau de clés tombé des mains de Lorenza. Il les essaya toutes, aucune n'allait. Il tira 3 ou 4 autres trousseaux parés de son tiroir. Ces trousseaux contenaient des clés de toutes dimensions, clés de meubles, clés de coffrets bien entendu, depuis la clé usitée jusqu'à la clé microscopique. On peut dire que M. de Sartine possédait un échantillon de toutes les clés connues. Il en essaya 20, 50, 100 au coffret. Aucune ne fit même un tour. Le magistrat inaugura que la serrure était une apparence de serrure et que par conséquent, ces clés étaient des simulacres de clés. Alors il prit dans le même tiroir un petit ciseau, un petit marteau, et de sa main blanche enfoncée sous une ample manchette de maline, il fit sauter la ferrure, gardienne fidèle du coffret. Aussitôt, une liasse de papier lui apparut au lieu des machines foudroyantes qu'il redoutait d'y trouver, ou des poisons dont l'arôme devait s'exhaler mortellement et priver la France de son magistrat le plus essentiel. Les premiers mots qui sautèrent aux yeux du lieutenant de police furent ceux-ci, tracé par une main dont l'écriture était passablement déguisée. « Maître, il est temps de quitter le nom de Balsamo. » Il n'y avait pas de signature, mais seulement ces 3 lettres, L, P, D. « Ah ah » fit-il en retournant les boucles de sa perruque. « Si je ne connais pas l'écriture, je crois que je connais le nom. Balsamo, voyons, cherchons au B. » Il ouvrit alors un de ses 24 tiroirs et en tira un petit registre sur lequel, par ordre alphabétique, était écrit d'une fine écriture pleine d'abréviations, 300 ou 400 noms, précédés, suivis et accompagnés d'accolades flamboyantes. « Oh » murmura-t-il, « en voilà long sur ce Balsamo !» Et il lut toute la page avec des signes non équivoques de mécontentement. Puis il replaça le petit registre dans son tiroir pour continuer l'inventaire du coffret. Il n'alla pas bien loin sans être profondément impressionné, et bientôt il trouva une note pleine de noms et de chiffres. La note lui parut importante. Elle était fort usée aux marges, fort chargée de signes faits au crayon. M. de Sartine sonna. Un domestique parut. « L'aide de la chancellerie, dit-il tout de suite. Faites passer des bureaux à travers l'appartement pour économiser le temps. » Le valet sortit. 2 minutes après, un commis, la plume à la main, le chapeau sous un bras, un gros registre sous l'autre, des manches de serge noire passées sur ses manches d'habit, se présentait au seuil du cabinet. M. de Sartine l'aperçut dans son meuble à glace et lui tendit le papier par-dessus son épaule. « Déchiffrez-moi cela, » dit-il. « Oui, monseigneur, » répondit le commis. Ce devineur de charade était un petit homme mince, aux lèvres pincées, aux sourcils froncés par la recherche, à la tête pâle et pointue du haut et du bas, au menton effilé, au front fuyant, aux pommettes saillantes, aux yeux enfoncés et ternes, qui s'animaient par instants. M. de Sartine l'appelait la fouine. « Asseyez-vous. » lui dit le magistrat, le voyant embarrassé de son calepin, de son codex de chiffres, de sa note et de sa plume. La fouine s'assit modestement sur un tabouret, rapprocha ses jambes et se mit à écrire sur ses genoux, feuilletant son dictionnaire et sa mémoire avec une physionomie impassible. Au bout de 5 minutes, il avait écrit « Ordre d'assembler 3000 frères à Paris. Ordre de composer 3 cercles et 6 loges. Ordre de composer une garde au grand coffre et de lui ménager 4 domiciles, dont un dans une maison royale. Ordre de mettre 500 000 francs à sa disposition pour une police. Ordre d'enrôler dans le premier des cercles parisiens toute la flore de la littérature et de la philosophie. Ordre de soudoyer ou de gagner la magistrature, ou de s'assurer particulièrement du lieutenant de police, par corruption, par violence ou par ruse. » La fouine s'arrêta là un moment, non point que le pauvre homme réfléchît, il en avait garde, c'eût été un crime, mais parce que sa page étant remplie et l'encre encore fraîche, il fallait attendre pour continuer. M. de Sartine, impatient, lui arracha la feuille des mains et lut. Au dernier paragraphe, une telle expression de frayeur se peignit sur ses traits, qu'il pâlit de se voir pâlir dans la glace de son armoire. Il ne rendit pas la feuille au commis, mais lui en passa une toute blanche. Le commis recommença à écrire à mesure qu'il déchiffrait, ce qu'il exécutait au reste, avec une facilité effrayante pour les faiseurs de chiffres. Cette fois, M. de Sartine lut par-dessus son épaule. Il lut donc. se défaire à Paris du nom de Balsamo, qui commence à être trop connu, pour prendre celui du comte de Fée. Le reste du mot était enseveli dans une tache d'encre. Au moment où M. de Sartine cherchait les syllabes absentes qui devaient composer le mot, la sonnette retentit à l'extérieur et un valet entra annonçant « Monsieur le comte de Phénix !» M. de Sartine poussa un cri et, au risque de démolir l'édifice harmonieux de sa perruque, il joignit les mains au-dessus de sa tête et se hâta de congédier son commis par une porte dérobée. Puis, reprenant sa place devant son bureau, il dit au valet « Introduisez !» Quelques secondes après, dans sa glace, M. de Sartine aperçut le profil sévère du comte que déjà il avait entrevu à la cour le jour de la présentation de Madame du Barry. Balsamo entra sans hésitation aucune. M. de Sartine se leva, fit une froide révérence au comte, et croisant une jambe sur l'autre, il s'adossa cérémonieusement à son fauteuil. Au premier coup d'œil, le magistrat avait entrevu la cause et le but de cette visite. Du premier coup d'œil aussi, Balsamo venait d'entrevoir la cassette ouverte et à moitié vidée sur le bureau de M. de Sartine. Son regard, si fugitivement qu'il eût passé sur le coffret, n'échappa point, monsieur le lieutenant de police. « À quel hasard dois-je l'honneur de votre présence, monsieur le comte ?» demanda M. de Sartine. « Monsieur, répondit Balsamo avec un sourire plein d'aménité, j'ai eu l'honneur d'être présenté à tous les souverains de l'Europe, à tous les ministres, à tous les ambassadeurs, mais je n'ai trouvé personne qui me présentât chez vous. Je viens donc me présenter moi-même. » « En vérité, monsieur, répondit le lieutenant de police, vous arrivez à merveille, car je crois bien que, si vous ne fussiez pas venu de vous-même, j'allais avoir l'honneur de vous mander ici. « Ah, voyez donc, dit Balsamo, comme cela se rencontre. » M. de Sartine s'inclina avec un sourire ironique. « Est-ce que je serai assez heureux, monsieur, continua Balsamo, pour pouvoir vous être utile ?» Et ces mots furent prononcés sans qu'une ombre d'émotion ou d'inquiétude rembrunisse sa physionomie souriante. « Vous avez beaucoup voyagé, monsieur le comte ?» demanda le lieutenant de police. « Beaucoup, monsieur. Ah ! Vous désirez quelques renseignements géographiques, peut-être ? Un homme de votre capacité ne s'occupe pas seulement de la France. Il embrasse l'Europe, le monde. Géographique n'est pas le mot, monsieur le comte. Moral serait plus juste. Ne vous gênez pas, je vous prie. Pour l'un comme pour l'autre, je suis à vos ordres. Eh bien, monsieur le comte, figurez-vous que je cherche un homme très dangereux, ma foi. » Un homme qui est tout ensemble athée, oh, conspirateur, oh, faussaire, oh, adultère, faux-monnayeur, empirique, charlatan, chef de secte. Un homme dont j'ai l'histoire sur mes registres, dans cette cassette que vous voyez, partout. Ah oui, je comprends, dit Balsamo. Vous avez l'histoire, mais vous n'avez pas l'homme. Non, diable. Ce serait plus important, ce me semble. Sans doute. Mais vous allez voir comme nous sommes prêts de le tenir. Certes, Protée n'a pas plus de forme, Jupiter n'a pas plus de nom, que n'en a ce mystérieux voyageur. Acharat en Égypte, Balsamo en Italie, Somini en Sardaigne, Marquis d'Anna à Malte, Marquis Pellegrini en Corse, enfin comte de... Comte de... ajouta Balsamo. C'est ce dernier nom, monsieur, que je n'ai pas bien pu lire. Mais vous m'aiderez, n'est-ce pas? J'en suis sûr, car il n'est point... que vous n'ayez connu cet homme pendant vos voyages et dans chacune des contrées que j'ai citées tout à l'heure. « Renseignez-moi un peu, voyons, » dit Balsamo avec tranquillité. « Ah, je comprends. Vous désirez une sorte de signalement, n'est-ce pas, monsieur le comte ?»« Oui, monsieur, s'il vous plaît. »« Eh bien, » dit monsieur de Sartine en fixant sur Balsamo un œil qu'il essayait de rendre inquisiteur, « c'est un homme de votre âge, de votre taille, de votre tournure. Tantôt grand seigneur semant l'or, tantôt charlatan cherchant les secrets naturels, tantôt affilié sombre de quelques confréries mystérieuses qui jurent dans l'ombre la mort des rois et l'écroulement des trônes. « Oh !» dit Balsamo, « c'est bien vague. »« Comment bien vague ? Si vous saviez combien j'ai vu d'hommes qui ressemblent à ce portrait ?»« En vérité, sans doute. Et vous ferez bien de préciser un peu si vous voulez que je vous aide. D'abord, savez-vous en quel pays il habite de préférence ? Il les habite tous, mais en ce moment, par exemple. En ce moment, il est en France. Et qu'y fait-il en France ? Il dirige une immense conspiration. Ah, voilà un renseignement à la bonne heure. Et si vous savez quelle conspiration il dirige, eh bien, vous tenez un fil au bout duquel, selon toute probabilité, vous trouverez votre homme. Je le crois comme vous. Eh bien, si vous le croyez, pourquoi en ce cas me demandez-vous conseil ? C'est inutile. Ah, c'est que je me consulte encore. Sur quoi ? Sur ceci. Dites, le ferai-je arrêter, oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Je ne comprends pas le nom, monsieur le lieutenant de police, car enfin, s'il conspire. Oui, mais s'il est un peu garanti par quelque nom, par quelque titre. Ah, je comprends. Mais quel nom, quel titre ? Il faudrait me dire cela pour que je vous aidasse dans vos recherches, monsieur. Eh, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Je sais le nom sous lequel il se cache, mais... Mais vous ne savez point celui sous lequel il se montre, n'est-ce pas ? Justement, sans quoi ? Sans quoi vous le feriez arrêter ? Immédiatement. Eh bien, mon cher monsieur de Sartine, c'est bien heureux, comme vous me le disiez tout à l'heure, que je sois arrivé en ce moment, car je vais vous rendre le service que vous me demandez. Vous ? Oui. Vous allez me dire son nom ? Oui. Le nom sous lequel il se montre ? Oui. Vous le connaissez donc ? Parfaitement. Et quel est ce nom ? Demanda M. de Sartine en expectative de quelque mensonge. Le comte de Phénix. Comment ? Le nom sous lequel vous vous êtes fait annoncer ? Le nom sous lequel je me suis fait annoncer, oui. Votre nom ? Mon nom. Alors, cet Acharat, ce Somini, ce marquis d'Anna, ce marquis Pellegrini, ce José Balsamo, c'est vous ? Mais oui, dit simplement Balsamo, c'est moi-même. Monsieur de Sartine prit une minute pour se remettre de l'éblouissement que lui causa cette effrontée franchise. J'avais deviné, vous voyez, dit-il. Je vous connaissais, je savais que ce Balsamo et ce comte de Phénix ne faisaient qu'un. Ah, vous êtes un grand ministre, dit Balsamo, je l'avoue. Et vous un grand imprudent, dit le magistrat en se dirigeant vers sa sonnette. Imprudent, pourquoi ? Parce que je vais vous faire arrêter. Allons donc, répliqua Balsamo, en faisant un pas entre la sonnette et le magistrat. Est-ce qu'on m'arrête, moi ? Par Dieu, que ferez-vous pour m'en empêcher, je vous le demande. Vous me le demandez ? Oui. Mon cher lieutenant de police, je vais vous brûler la cervelle. Et Balsamo sortit de sa poche un charmant pistolet monté en vermeil, et qu'on eût cru ciselé par Benvenuto Cellini, qu'il dirigea tranquillement vers le visage de M. de Sartine, qui pâlit et tomba dans un fauteuil. « Là !» dit Balsamo, en attirant un autre fauteuil près de celui du lieutenant de police, et en s'asseyant. « Maintenant, nous voilà assis, nous pouvons causer un peu. »